bonsoir, vous écoutez audioblog.fr, nous sommes jeudi 12 janvier et ce fichier est un essai de faire une petite synthèse de ce que j'ai pu dire souvent en vrac et souvent en utilisant des formulations un peu excessives à propos du projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. Alors pour faire une intro un peu provoque, je ne suis personnellement ni pour ni contre les dispositifs techniques ou la licence globale. Je ne suis ni pour ni contre pour deux raisons. La première, c'est que j'en sais rien, et que la deuxième, c'est que les conditions dans lesquelles le choix est proposé aujourd'hui me paraissent totalement, alors je cherche un mot, j'ai promis de ne pas utiliser de terme excessif, allez, on va dire scandaleux. Oui, allez, totalement scandaleux. Je pense personnellement que le projet de loi tel qu'il est libellé n'est même pas discutable. Il doit être jeté à la poubelle et retravaillé à partir de zéro. La question qui se pose, qui est en gros les deux alternatives pour l'instant, qui sont, est-ce qu'on verrouille des fichiers un par un, ou est-ce qu'on ne les verrouille pas, mais qu'on fait payer un abonnement en quelque sorte, qui est un débat pas inintéressant, sur lequel je n'ai pas particulièrement d'avis, il faudra avoir plus de données pour ça, nécessiterait de commencer sur des bases saines. C'est-à-dire que concrètement, le jour où nous aurons un format, enfin des, pas un, mais des formats de fichiers ouverts, publiés, et dont l'ouverture et la publication seront garanties par des dispositions législatives. Des dispositifs techniques ouverts et publiés, et dont l'ouverture et la publication seront garanties par des dispositions législatives. Une réflexion qui soit spécifique aux différents compartiments de la culture, par exemple audio, vidéo, écriture, etc. À partir de ce moment-là, on pourra se demander, et ce sera une question intéressante, est-ce qu'il vaut mieux utiliser donc ces dispositifs techniques ou ne pas les utiliser et faire payer un abonnement ? Là, ça serait un débat sain, intelligent et plutôt normal. Dans l'état actuel de sa rédaction, la loi ne protège qu'une seule chose, en fait, c'est les fournisseurs de dispositifs techniques qui n'ont aucune obligation en ce qui concerne l'ouverture, aucune obligation en ce qui concerne la publication de ces dispositifs, aucune obligation en ce qui concerne les formats. En revanche, ils peuvent poursuivre ceux qui essayent de les contourner, ce qui est un peu bizarre, disons, pour ne pas utiliser autre chose, puisque dans ce contexte-là, le contournement, ça devient je dirais presque de la légitime défense, ça devient une nécessité. J'en arrive là à quelque chose qui est un de mes dadas. Enfin, pour comprendre pourquoi j'insiste tant là-dessus, je suis trop vieux pour être passionné par le peer-to-peer, pour être passionné par le piratage, des choses comme ça. En plus, moi je vis de ce que j'écris ou de ce que j'enregistre, donc le droit d'auteur c'est quelque chose auquel je suis sensible, c'est la défense du droit d'auteur. En revanche, je suis photographe, c'est peut-être pour ça, et la notion de pérennité des choses, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me paraît inhérente à la culture. Or, et ça, ce que je vais dire, c'est une phrase que j'ai beaucoup écrite et qu'il faudrait placarder sur les murs des ministères et probablement apparemment à la Commission européenne, la migration des données, c'est quelque chose qui est inhérent à la numérisation. La culture, c'est une caractéristique, c'est que ça survit à son créateur. Pas l'informatique d'ailleurs. L'informatique, c'est quelque chose de très récent. Pour resituer les choses, le PC c'est 81, le Mac 84. C'est à l'échelle de la culture, c'est vraiment extrêmement récent. Or, pendant ce laps de temps ridiculement court, des tas de formats sont déjà morts, des tas de supports sont déjà morts. Pour citer un exemple, aujourd'hui, le format roi pour ce qui est du stockage perso, c'est le CD. Il est probable que le CD vit ses derniers instants. Un graveur DVD ou un lecteur DVD lit les CD parce que la technologie de fond est la même, mais alors après je ne suis pas un spécialiste, il faudra vous reporter vers des trucs plus pointus que moi, mais en gros la disposition des données n'est pas identique et donc un lecteur DVD il a deux têtes, une pour les CD, une pour les DVD. La génération suivante, plus que vraisemblablement, ne lira pas les CD. Si c'est les Blu-ray, Sony l'a déjà dit, ça ne lira pas. C'est pas compatible. Je ne sais pas ce qu'il en est des HD DVD, mais je subodore que c'est la même chose. Et au fond, c'est normal, c'est pas scandaleux, c'est normal. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'informatique. L'informatique, c'est pas quelque chose en version finale. Hein. C'est l'informatique en général, c'est quelque chose en version bêta qui est en évolution permanente. Et donc les supports meurent et sont remplacés par d'autres. Il n'y a pas besoin d'essayer aujourd'hui, par exemple, de lire une disquette 5 pouces 1 quart. C'était des grands carrés mous comme ça. Pour trouver des lecteurs, ça ne doit pas être simple. Moi, j'ai déjà cité cet exemple parce que, étant journaliste, la PAO, c'est quelque chose que j'ai bien connu. Il y a 10-12 ans, le support de stockage roi dans la PAO, c'était les cartouches SyQuest et leur grand chklong quand on appuyait sur le bouton. Aujourd'hui, une cartouche SyQuest, c'est illisible, c'est impossible de trouver un lecteur, à moins peut-être quelques soigneux qu'on a gardé dans leur cave. Bref, les supports changent et c'est tout à fait normal. Et donc les données, pour pouvoir être conservées, doivent migrer de support en support. Le côté de cette loi qui en gros revient à interdire la migration de données, c'est quelque chose qui non seulement est absurde, mais surtout qui va contre l'histoire. C'est voter ça aujourd'hui, c'est avoir l'assurance que demain il faudra faire marche arrière. Et puis il y a autre chose qui me déplaît foncièrement dans cette loi, c'est qu'elle considère d'un côté qu'il n'y a qu'une catégorie de consommateurs, alors c'est ce que n'importe quel marketeur débutant vous affirmera, et que surtout que de l'autre, que tous les supports sont pareils. Que ce qui est bon pour la musique, c'est bon pour le livre, par exemple. Or moi, je pense fondamentalement que ce genre de question, qui est une question importante, puisqu'on entre effectivement dans l'ère de la numérisation, et ça pose question, et qu'il y ait débat, c'est normal, à condition que ça soit sur des bases saines. Personnellement, je pense que par exemple, la musique, le cinéma et le livre, c'est trois choses très différentes. Alors, ce que je veux dire, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il n'empêche que c'est différent. Je dis pour être d'accord, parce que les exemples que j'ai cités m'ont été invalidés sur mon site, et peut-être que ceux qui les ont invalidés avaient raison. Je considère par exemple que le téléchargement, dans celui-là, encore jusqu'à maintenant, à ma connaissance, je peux me tromper, jamais été prouvé qu'il avait un impact négatif sur les ventes de disques, peut même dans certains cas avoir un impact positif. Il m'est déjà arrivé d'avoir récupéré un fichier, de trouver ça sympa et d'acheter le CD. La notion de téléchargement, dans un contexte musical, c'est pas forcément quelque chose de mal. Le téléchargement dans un contexte de musique, de cinéma, en revanche, je vois pas trop comment ça pourrait faciliter la vente de CD. Sauf à tomber vraiment sur un chef-d'œuvre, mais alors à ce moment-là, il est probable qu'on l'a téléchargé par facilité, mais que de toute façon, on aurait acheté le CD un jour ou l'autre. Je vois pas trop, après avoir vu un film téléchargé, pour quelle raison on irait acheter le DVD derrière. Le livre, c'est tout à fait différent. Dans le cas du livre, il me semble que la chose importante, c'est l'intégrité du texte. C'est bien beau d'avoir des livres avec des DRM, par exemple, mais par définition, une DRM, ça me donne le droit, si j'ai acheté le livre, ça ne garantit pas l'intégrité du texte. Or, si le livre numérisé doit se répandre, il me semble que la notion d'intégrité du texte va être, peut-être pas immédiatement, mais forcément à terme, quelque chose d'important. Donc il y a des problématiques qui sont, et bon, ça c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais il y a peut-être d'autres, pour chacune de ces catégories, d'autres points qui effectivement sont spécifiques, etc. etc. Donc cette espèce de foire d'empoigne où en gros on considère que tout est pareil, tout est identique, ça me paraît pas jeter les bases d'un débat serein. C'est la raison pour laquelle donc je pense, je l'ai écrit, donc en termes excessifs, que j'étais très opposé à titre personnel à ce projet de loi. Je pense même pas qu'il soit amendable, je pense qu'il doit être jeté et qu'on doit sauter sur l'opportunité qu'a présenté cette effervescence pour mettre les choses à plat et discuter de qu'est-ce que devient la culture dans un univers numérique ? Parce que ça, j'en ai entendu parler nulle part. Jusqu'à maintenant, j'ai surtout entendu parler de les artistes doivent gagner leur croûte, que personne ne conteste. Alors, ça, c'est un argument un peu bizarre, parce que personne ne le conteste. Je pense que les deux côtés, aussi bien les gens de la licence légale que les gens qui sont pour la loi, pour le projet de loi, pensent la même chose là-dessus. C'est pas un argument, ça. La question de fond, c'est qu'est-ce que devient la culture dans un monde numérique ? Ça, c'est un vrai débat de fond. Et ce qui, je crois, brouille un peu les cartes, c'est l'espèce de pression comme ça qui voudrait dire qu'il faut absolument, se dépêcher parce que directive européenne, etc. Ma foi, si ça contrarie la Commission européenne, qu'on discute sereinement de ce que devient notre culture dans un monde numérique, je suis pas sûr que ce soit très dramatique. Elle doit avoir d'autres chats à fouetter. Et si elle a besoin d'attendre un petit peu pour qu'on en arrive à une solution qui soit une solution intelligente et une solution qui garantissent la survie, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, la survie de la culture, ma foi, ça ne me paraît pas dramatique que cette Commission européenne attende un petit peu. Ma foi, voilà. Pour le reste, je n'ai pas personnellement d'avis, puisque le choix qui est proposé aujourd'hui, c'est un choix de dupe. C'est ce que tu veux, je te coupe le bras ou la jambe. Entre les DRM façon DAD VSI, c'est-à-dire entièrement propriétaire, sans aucune garantie, ou ça va être un Far West total, ça revient à remettre les clés de la culture à Apple et Microsoft pour la musique, à Microsoft pour le cinéma et à je ne sais pas qui, probablement Adobe, j'en sais rien, pour le livre, sans contrepartie, sans aucun contrôle, sans rien, et de l'autre, cette licence globale, ça me paraît assez abracadabrant. si demain on arrivait à une situation un peu plus sereine où on a d'un côté des systèmes effectivement ouverts, publiés et dont la loi garantit l'ouverture et la publication, et de l'autre une licence globale, alors je ne sais pas. Je ne sais pas, les DRM, j'ai tendance à penser que c'est un truc plutôt ennuyeux en tant qu'utilisateur, mais d'autre part j'en ai une sur la porte de mon appartement, c'est ma serrure, et ma foi ça se passe pas si mal. De l'autre côté, la licence globale, dit comme ça, j'y crois pas, enfin ça fait un peu bizarre comme proposition, ça fait grande idée comme ça, ça fait un peu maison bleue sur la colline, mais je vois pas trop comment ça peut marcher. Mais en même temps, si on regarde un abonnement à une chaîne cryptée ou à une télé par satellite, quelque part c'est un peu la même chose, je paye un prix forfaitaire et je regarde autant de films que je veux, donc au fond, Dans tous les cas de figure, on peut trouver des contre-exemples qui font dire « Ah ouais, tout compte fait, si ça se trouve, ça peut marcher. » Donc j'en sais rien, mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression que le danger suivant, le premier danger, c'était que cette loi passe en état. Mais j'ai l'impression que le danger suivant, il est là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter à tout prix de tomber dans l'alternative. Parce que ce que je vois partout, c'est, en gros, c'est DAD, VSI ou licence globale. Alors ça, il faut refuser cette alternative. Parce que c'est pas là où est l'enjeu. Hein. C'est reprendre les choses depuis le début, calmement, en mettant à plat tout ce qui fait tout ce qui est de l'intérêt de la culture, de la transmission de la culture, de la circulation de la culture. Et puis ensuite, éventuellement, dans un deuxième temps, mais vraiment dans un deuxième temps, à ce moment-là, discuter du modèle économique. L'option DRM licence globale, c'est des options qui relèvent du modèle économique des industries, et il y en a un certain nombre qui sont impactés par la numérisation. Avant ça, si la loi veut s'occuper de quelque chose, elle peut déjà rendre légal et avec un pas légal, obligatoire, un certain nombre de formats, de dispositifs, de machins, etc., qui fassent que au cas où, on sait que la maison de disques X ou l'éditeur de bouquins Y, il fait comme il veut avec ses formats de bouquins, mais il doit au moins les publier dans le format de tel type, qui est ouvert et publié, et s'il décide de les verrouiller, il peut proposer ça avec le verrou qu'il veut, mais il doit aussi en parallèle le proposer avec le verrou Y qui lui est protégé par la loi, est publié, ouvert, etc. Le jour où ça sera ça, la situation, à ce moment-là, effectivement, on pourra discuter des modèles économiques. Mais je crois que le boulot de la loi, il est plutôt bien en amont. Hein, le boulot de l'Assemblée nationale, c'est pas, enfin, à ma connaissance, mais j'avoue que je ne suis pas un spécialiste ni en politique ni en droit, donc je crois pas que le boulot de l'Assemblée nationale, ça soit de décider de modèle économique. En revanche, le boulot de nos députés, c'est de mettre en place des conditions pour lesquelles ces discussions sur des modèles économiques, elles, ne se fassent pas sur le dos de la culture. Alors là, j'ai été bien, hein, j'ai utilisé aucun mot excessif. Rien, et j'étais hyper poli. C'est très dur pour moi parce que je passe ma journée à faire des trucs polissés et mon site il me sert un peu à me lâcher de temps en temps. Donc là vraiment vous venez d'assister à un véritable tour de force. Ma foi, passez une bonne soirée, soyez heureux, etc. Ciao.